De vinyle comme si c'était un cendrier. que tu fais, t'as pas vraiment fait à l'école. Si tu veux un diplôme, ça va pas vraiment. Si tu veux un CAP. Un CAP musicien. Un CAP musicien. Bravo. Qui va te coûter combien d'euros? Combien de milliers d'euros? Franchement, je suis sûr que ça va pas te coûter beaucoup plus cher. Ah non, je suis sûr que ça va te coûter vraiment beaucoup plus cher qu'un Flixbus jusqu'à Toulouse. Mais tu mets pas ton beau piano dans un Flixbus, je comprends. Mais un truc